conversation. Il y a que des good vibrations. Il y a que de la vibe, rien du style. Sœur Samuel, pas les maillots. Sans frontières ni barrières, elle s'en va. Nous met bien au moment où c'est le pire. D'autres en profitent pour la yaska. Marie et moi sommes voués à la servir. S'il y a la foule et un selecta, en mode de la ganja, c'est que dans la bonne atmosphère. Si t'es nice, sans trac à briquer, on m'enlève ton bras. Faites silence, ta pression au père. Ce qu'il te faut, c'est de la bonne musique. Il faut que tu ressentes la vibe. Que tu ressentes ta pression. Sens-tu la vibe de notre musique? Faut que tu ressentes le style. Ressentis notre vibration. Si tu veux, c'est de la bonne musique. Il faut que tu ressentes la vibe. Que tu ressentes la pression. Sens-tu la vibe de notre musique. Il faut que tu ressentes le style. Ressentis notre vibration. Ressentis notre vibration. Rentre dans le sonde et mets-toi en condition. Chez nous y'a pas de chichi, y'a pas de fiction. Les adeptes de la musique se comptent par millions. Dans ton CD player ou dans ta tu vois à fond. Le rythme t'envahit et fait monter ta tension. Le raga hip-hop, pour moi c'est une bonne fusion. Quand il est authentique et il te donne des pulsions. Dis-moi qui veut stopper, toi DJ en action. On m'a appelé Jack Lee, il était cela en une fraction. Donne-moi le rythme, avec j'ai fait des tractions. Toi-même tu sais qui sont les DJ champions. Ce qui te faut c'est de la bonne musique. Il faut que tu ressentes la vibe. Que tu ressentes ta pression. Sens-tu la vibe de notre musique. Il faut que tu ressentes le style. Sens-tu notre vibration. Ce qui te faut c'est de la bonne musique. Il faut que tu ressentes la vibe. Que tu ressentes ta pression. Sens-tu la vibe de notre musique. Il faut que tu ressentes le style. Sens-tu notre vibration. Bonne vibration, pour une vie de ration. Seul le son je consomme sans modération. Sans se nous fédérer, on s'en sert pour faire des tensions. C'est son tout, son son, c'est un système et tous dans son. Marc fâché, ça passe lâché. Soda chip et haché, staché. Mardi du plagé, pas de plus lâche, à coup de pit lâché. T'as du mori, et sœur mêle se fourrit. Quand il s'agit de donner, quand il te faut de la bonne musique. C'est que la musique c'est ma vie. Depuis long time, c'est grâce à elle que je suis en vie. Elle me rend heureux même quand j'ai des ennuis. Elle ne sera jamais le trou, même si elle prend de base dans ma vie. Et la musique s'empare de toi, et elle s'empare de moi. Et elle rentre dans mon cerveau, et comme la zèbre elle me rend high. C'est mon médicament, boy, ne cherche pas la faille. J'aime trop le son de la basse, il y a que ça qui maille. La sono, elle est big, sur le son dans tes entrailles. Les massives écoutent le reggae de Montpellier jusqu'à Versailles. Je tiens sur mon slip de taille. La musique c'est mon travail.